Victor Hugo. Grand âge et bas âge mêlés. 10. Tout pardonner, c'est trop. Tout donner, c'est beaucoup. Eh bien, je donne tout et je pardonne tout au petit. Et votre œil sévère me contemple. Toute cette clémence et de mauvais exemples. Faire de l'amnistie en chambre est périlleux. Absoudre des forfaits commis par des yeux bleus et par des doigts vermeils et purs. C'est effroyable. Si cela devenait contagieux, que diable! Il faut un peu songer à la société. La férocité sied à la paternité. Le sceptre doit avoir la trique pour compagne. L'idéal, c'est un Louvre appuyé sur un bagne. Le bien doit être fait par une main de fer. Quoi? Si vous étiez Dieu, vous n'auriez pas d'enfer? Presque pas. Vous croyez que je serais bien aise de voir mes enfants cuire au fond d'une fournaise? Eh bien, non, ma foi, non. J'en fais mea culpa. Plutôt que sabaote, je serai grand-papa. Plus de religion, alors. Comme vous dites, plus de société, retour aux troglodytes, aux sauvages, aux gens vêtus de peau de loup. Non, retour au vrai Dieu, distinct du Dieu jaloux. Retour à la sublime innocence première. Retour à la raison. Retour à la lumière. Alors vous êtes fou, grand-père. J'y consens. Tenez, messieurs les forts et messieurs les puissants, défiez-vous de moi, je manque de vengeance. Qui suis-je? Le premier venu. Plein d'indulgence, préférant la jeune aube à l'hiver pluvieux. Homme ayant fait des lois, mais repentant et vieux. Qui blâme quelquefois, mais qui jamais ne donne autorité foulée aux petits pieds de Jeanne. Pas sûr de tout savoir, en doutant même un peu, toujours tenté d'offrir aux gens sans feu ni lieu un coin du toit. Un coin du foyer, moins sévère au péché qu'on honnit qu'au forfait qu'on révère, capable d'avouer les êtres sans aveu. Ah, ne m'élevez pas au grade de bon Dieu. Voyez-vous, je ferai toutes sortes de choses bizarres, je rirai, j'aurai pitié des roses, des femmes, des vaincus, des faibles, des tremblants. Mes rayons seraient doux, comme des cheveux blancs. J'aurais un arrosoir assez vaste pour faire naître des millions de fleurs dans toute sphère, partout. Et pour éteindre au loin le triste enfer, lorsque je donnerais un ordre, il serait clair. Je cacherais le cerf au chien flairant sa piste. Qu'un tyran pût jamais se nommer mon copiste, je ne le voudrais pas. Je dirais « Joie à tous !» Mes miracles seraient ceci, des hommes doux, jamais de guerre, aucun fléau, pas de déluge, un croyant dans le prêtre, un juste dans le juge. Je serais bien coiffé de brouillard, et ton Dieu, c'est convenable, mais je me fâcherais peu, et je ne mettrais point de travers mon nuage pour un petit enfant qui ne serait pas sage. Quand j'offrirai le ciel à vous, fils de Japhet, on verrait que je sais comment le ciel est fait. Je n'annoncerai point que les nocturnes toiles laisseraient pêle-mêle un jour choir les étoiles, parce que j'aurais peur, si je vous disais ça, de voir Newton pousser le coude à Spinoza. Je ferais à Veuillot le tour épouvantable d'inviter Jésus-Christ et Voltaire à ma table. Et de faire verser mon meilleur vin, hélas, par l'ami de Lazare à l'ami de Calas. J'aurai dans mon Éden, jardin à large porte, un doux water closé, mystérieux, de sorte qu'on puisse au paradis mettre le syllabus. Je dirai au roi, « Roi, vous êtes des abus, disparaissez. » J'irai, clignant de la paupière, rendre aux pauvres leurs sous sans le dire à Saint-Pierre. Et sournois, je ferai des trous à son panier sous l'énorme tas d'or qu'il nomme son denier. Je dirai à l'abbé du Panloup, « Moins de zèle, vous voulez à la Vierge ajouter la pucelle ? C'est cumulé, monsieur l'évêque, apaisez-vous. » Un Jéhovah, trouvant que le peuple à genoux ne vaut pas l'homme droit et debout, tête haute, ce serait moi. J'aurai un pardon pour la faute, mais je dirai, tâchez de rester innocent. Et je demanderai au prêtre, non l'encens, mais la vertu. J'aurai de la raison. En somme, si j'étais le bon Dieu, je serais un bon homme.